Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mathéo Calmon. Bonjour à tous. Donc Mathéo, tu avais une petite galère d'humoriste à nous raconter, une petite anecdote qui t'est arrivée lors de ta troisième scène, je crois. Ouais, c'est ça, même grosse galère. Donc en fait, j'étais sur la scène et je faisais un sketch où à un moment, je vannais un handicapé physique, mais c'était assez abstrait. Et avec les spots, la lumière, je pointe du doigt au hasard une personne donc, que je ne voyais pas, qui était peut-être au cinquième rang. Et je dis, ce genre d'histoire, ça peut arriver à tout le monde, même à toi. Et à la fin du spectacle, quand les spots se sont éteints et la salle s'est rallumée, j'ai vu qu'au hasard, j'avais pointé une personne en fauteuil. Voilà. Ah ouais, là, c'est sûr que c'est choquant. Et... Ah là, c'est malaisant. Et surtout qu'à la fin, la personne est venue me voir et m'a fait, ah, je vois tant que ça. Voilà. Ok, bah écoute. C'est vrai que là, ouais, j'avoue le moment de solitude, hein, comme on dit. Hein. Ah là, ça a été compliqué. Là, j'ai dû m'excuser. J'étais ultra gêné, vraiment. Les aléas de l'humour. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, bientôt sur Bordeaux, Paris et sur plein d'autres scènes. Voilà. Ok, sur les réseaux sociaux, donc c'est Mathéo Calmon, c'est ça? Ouais, c'est ça, M-A-T-H-E-O-C-A-L-M-O-N, tout simplement. Ok, parfait. Facebook, Twitter, YouTube Non, juste Facebook. Ok, pas de souci. Bon, pour ma part, vous me retrouvez sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Sofiane Humoriste, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, Galère d'Humoriste est disponible sur toutes les applications de podcast et sur iTunes. Et j'en profite pour dire aux personnes qui ont iTunes, donc les riches, que voilà, vous pouvez laisser une note donc sur 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et parlez-en autour de vous. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.